Elle se remit à pleurer et répéta « Je ne peux pas ». Il la dévisageait, il lui cria dans la face « C'est donc que tu as un amoureux !» Elle balbutia, tremblante de honte « Peut-être bien que c'est ça !» L'homme, rouge comme un coquelicot, bredouillait de colère « Ah, tu l'avoues donc, gueuse! Et qu'est-ce que c'est, ce merle-là? Un va-nu-pied? Un sans-le-sou? Un couche-dehors? Un crève-la-faim? Qu'est-ce que c'est, dit ?» Et, comme elle ne répondait rien, « Ah, tu ne veux pas! Je vais te le dire, moi! C'est Jean Baudu ?» Elle s'écria « Oh non, pas lui! Alors, c'est Pierre Martin? Oh non, notre maître !» Et il nommait éperdument tous les garçons du pays, pendant qu'elle niait, accablée et s'essuyant les yeux à tout moment, du coin de son tablier bleu. Mais lui cherchait toujours, avec son obstination de brute, grattant à ce cœur pour connaître son secret, comme un chien de chasse qui fouille un terrier tout un jour pour avoir la bête qu'il sent au fond. Tout à coup, l'homme s'écria « Eh, pardine, c'est Jacques, le valet de l'autre année. On disait bien qu'il te parlait et que vous vous étiez promis mariage. » Rose suffoqua, un flot de sang empourpra sa face. Ses larmes tarirent tout à coup. Elles se séchèrent sur ses joues comme des gouttes d'eau sur du fer rouge. Elle s'écria « Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui » « Est-ce bien sûr, ça ?» demanda le paysan malin qui flairait un bout de vérité. Elle répondit précipitamment « Je vous le jure, je vous le jure !» Elle cherchait sur quoi jurer, n'osant point invoquer les choses sacrées. Il l'interrompit. « Il te suivait pourtant dans les coins. » Il te mangeait des yeux pendant tous les repas. Lui as-tu promis ta foi, hein? Dis! » Cette fois, elle regarda son maître, en face. « Non, jamais, jamais, et je vous jure par le bon Dieu que s'il venait aujourd'hui me demander, je ne voudrais pas de lui. » Elle avait l'air tellement sincère que le fermier hésita. Il reprit, comme te parlant à lui-même. « Alors quoi? Il ne t'est pourtant pas arrivé un malheur, on le saurait, et puisqu'il n'y a pas eu de conséquences. » Une fille ne refuserait pas son maître à cause de ça. Il faut pourtant qu'il y ait quelque chose. » Elle ne répondait plus rien, étranglée par une angoisse. Il le demanda encore « Tu ne veux point ?» Elle soupira « Je ne peux pas, notre maître !» Il tourna les talons. Elle se crut débarrassée et passa le reste du jour à peu près tranquille, mais aussi rompue et exténuée que si, à la place du vieux cheval blanc, on lui eût fait tourner depuis l'aurore la machine à battre le grain. Elle se coucha sitôt qu'elle le put et s'endormit, tout d'un coup. Vers le milieu de la nuit, deux mains qui palpaient son lit la réveillèrent. Elle tressauta de frayeur, mais elle reconnut aussitôt la voix du fermier qui lui disait « N'aie pas peur, Rose, c'est moi qui viens pour te parler. » Elle fut d'abord étonnée, puis, comme il essayait de pénétrer sous ses draps, elle comprit ce qu'il cherchait et se mit à trembler très fort, se sentant seule dans l'obscurité, encore lourde de sommeil, et toute nue, et dans un lit, auprès de cet homme qui la voulait. Elle ne consentait pas, pour sûr, mais elle résistait nonchalamment, luttant elle-même contre l'instinct toujours plus puissant chez les natures simples, et mal protégée par la volonté indécise de ses races inertes et molles. Elle tournait sa tête tantôt vers le mur, tantôt vers la chambre, pour éviter les caresses dont la bouche du fermier poursuivait la sienne, et son corps se tordait un peu sous sa couverture, énervé par la fatigue de la lutte. Lui devenait brutal, grisé par le désir. Il la découvrit d'un mouvement brusque. Alors, elle sentit bien qu'elle ne pouvait plus résister. Obéissant à une pudeur d'autruche, elle cacha sa figure dans ses mains et cessa de se défendre. Le fermier resta la nuit auprès d'elle. Il y revint le soir suivant, puis tous les jours. Ils vécurent ensemble. Un matin, il lui dit « J'ai fait publier les bans. Nous nous marierons le mois prochain. » Elle ne répondit pas. Que pouvait-elle dire? Elle ne résista point. Que pouvait-elle faire?